bap popo. Bip bap popo. Bip bap popo. Bip bap popo. Regarde ce que je vis, j'ai même plus qui est qui. Je regarde autour de moi, les problèmes, les ennuis. Dis-moi pourquoi le ciel est gris. Les regards sont remplis de haine. Si toi t'as le vice, ils ont le tournevis. Ils te font purger de longue peine. Sortis-moi quand il fait nuit. Le soleil vient juste se coucher. Ils veulent me blesser, je suis touché. Je tombe, me relève, je suis jamais couché. Je me mélange pas, je suis solo. Je vis bien dans l'ombre. Je me fais disque que ils se montrent. Et les rumeurs, elles me font rire. Faut passer pour ce qu'il pas. Des fois, elles me redonnent le sourire. Ce qui me rend fort ne me tue pas. Où j'ai fauté, peut-être que je viendrai dire pardon. Pour l'instant, je gamberge. Je me dis que c'est rien, jour nous partons. Dis pas n'importe quoi, je vais pas couler, je vous le confirme. J'en profite pour dédicacer mes frérots en serrage au confit. Oh, vas-y, monte à bord. Tu verras ce que c'est ma vie. Tu verras d'où vient mon chagrin. Mais je suis d'un autre côté, on m'adore. Chacun ses choix, ses torts. Des fois je dors d'un oeil. Trop jaloux qui veulent ma shit. Laissez rien, vous êtes mis en mode. Pas que ça se fait, y'a pas que l'argent dans la vie. Tous les jours les mêmes habits. On me reconnaît, je m'arrête, je baisse ma vitre. Et j'emmerde toutes ces petites merdes qui racontent des bobards. Faut y mettre un terme. Parle-moi, je t'écoute. J'ai plein d'actions bizarres, mon proto, tu me dégoûtes. Où y'a l'envers, je tombe, j'ai rien à faire. Je cherche mon bonheur en faisant mes affaires. Ça se monte, ça crie, ça fait les gros bras. Ça veut l'ensemble, ça dit, ça tape dur, ça dort pas. J'enchaîne les albums à la file et je traîne plus trop, je reste à l'asile. Ça trahit, on me l'a dit, mon tas, dit non, t'en la scie. La galère, ça traumatise, alors ça sent cheater la tease. Ils allument le feu, non la tease. Oh, vas-y, monte à bord. Tu verras ce que c'est ma vie. Tu verras d'où vient mon chagrin. Mais je sais que d'un autre côté, on m'adore. Chacun ses joies, ses torts. Des fois, je dors d'un œil. Trop jaloux qui veulent ma shit. Laissez rien, vous êtes mis à mort. Vas-y, monte à bord. Tu verras ce que c'est ma vie. Tu verras d'où vient mon chagrin. Mais je sais que d'un autre côté, on m'adore. Chacun ses joies, ses torts. Des fois, je dors d'un œil. Trop jaloux qui veulent ma shit. Laissez rien, vous êtes mis à mort. Bip, bap, bo, bo. Bip, bap, bo, bo. Bip, bap, bo, bo.